Radiomatic. Esta es tu gran ciudad y esta es su música. Música de la última década del segundo milenio. La musique électronique, la vérité de la jeunesse, la musique de notre civilisation, la musique électronique, décade 2 pour la nouvelle décade. La musique électronique, la verdad. La transmission 463 d'Audiomatic s'ouvrait sur la musique composée par le défunt artiste mexicain Mateo Lafontaine pour son projet nommé Década Dos de l'anthologie posthume intitulée La Noche del Atomo, paru en 2021. Nous écoutions la pièce Musica Electronica qui a été composée en 1988. Et maintenant, c'est au tour des artistes belges Haïli Maruyama et Transistor Cake d'assurer la continuité à Audiomatic. Nothing replied, nothing speaks to you in the night. Nous avions droit à Audiomatic, à l'artiste d'origine nippo-américaine Mitsuki Miyawaki, qui se produit musicalement sous le pseudonyme de Mitski. Du septième album de Mitski intitulé « The Land is Inhospitable and So Are We » et paru le 15 septembre 2023, nous vous avons présenté la pièce « The Deal ». Précédemment à Mitski, c'était l'artiste indienne Tarana Marwa, qui est mieux connue sous son pseudonyme Komo Rebi, de qui on entendait la chanson All the Things, extraite de son deuxième album The Fall, lancé le 8 septembre 2023. Et pour débuter ce segment musical, on entendait la collaboration entre les artistes belges Haïli Maruyama et Transistor Cake, soit la chanson titre du mini-album Dansu, sorti en 2021. Et c'est sur la musique de l'artiste Nicolas Cruz que se poursuit Audiomatic. Thank you.

Audiomatique, nous venons d'écouter la formation péruvienne Burro Ermitaño et sa pièce Entre los Cerros du plus récent album intitulé Implosiones, paru en juin 2023. Avant Burro Ermitaño, nous entendions une composition de l'artiste britannique Angus Fairbairn qui compose sous le pseudonyme d'Alabaster Déplumé. De son plus récent album Come With Fears, Grace, publié le 8 septembre dernier, nous avons choisi la pièce Broken Again. Et pour amorcer la séquence musicale, c'était l'artiste Nicolas Cruz et la pièce titre de son album Sicko, sorti en 2019. À Audiomatique, nous poursuivons cette fois avec une collaboration entre les artistes mexicains Fargo de Vianti et Von Gold. We'll be right back. Audiomatique, c'était l'artiste allemand Daniel Mayer, bien connu pour sa participation au sein du groupe Hojob. De son plus récent album solo In Gab, paru le 5 mai 2023, nous écoutions la pièce Real Angst. Et en amorce de séquence, nous avons choisi la pièce Holding, interprétée par les artistes mexicains Fargo Devianti et Von Gold. Cette pièce peut se retrouver sur la compilation de l'étiquette de disque New Day Everyday, intitulée New Day Everyday Compilation Volume 5, qui sortira le 22 septembre 2023. Nous conclurons cette transmission d'Audiomatique sur la musique de la formation Q, soit la pièce Zimmer zwei und zwei Zig, dans la version Mentally Disturbed Remix réalisée par le projet Tweakery. Cette version apparaît en complément de la pièce originale sur l'album Divergent, paru en 2001. Nous vous donnons bien sûr rendez-vous mercredi prochain dès 17h pour une autre transmission d'Audiomatique. Soyez attentifs au contenu que nous publions sur nos plateformes et sur facebook.com/audiomatique-cfou. Si jamais vous êtes intéressé à entendre ou même réentendre nos anciennes émissions en balado-diffusion. Donc voici Q et la pièce Zimmer zwei und Zig, remixée par Tweakery. C'était Audiomatique avec les sonoristes. Ich bin's. Ich lebe in einem Zustand seelischer Divergenz. Aber obwohl ich nicht anders kann, als jede Welt in jeder Hinsicht als absolut wirklich zu betrachten, ist dem zum Trotz Ovo natürlich nichts als ein Konstrukt meines Geistes.